Dire, c'est decir en espagnol. Decir, qui s'écrit D-E-C-I-R. Decir. En espagnol standard, vous direz decir, avec le son F. Decir. Decir. Et en Amérique latine et dans certaines régions d'Espagne, decir. Alors, encore une fois, dire, c'est decir. Decir, oui. Et maintenant, à vous, encore une fois, dire decir. Essayez encore une fois. Decir. Oui, mais dites-le d'une traite. Oui. Decir. Attention, c'est decir. On insiste sur la dernière syllabe. Et le dire, c'est decir lo. Lo est attaché au verbe, et c'est comme ça qu'on l'entend aussi à l'oral, en un seul mot. Vous avez dit decir lo, oui. Mais c'est un seul mot. Donc decir lo. Decir lo. De la même manière que pour decir, on insistait à l'oral sur fir, dans decir lo, on insiste toujours sur fir. Ok, donc decir lo. Bien. Decirlo, le dire. Là, on a le pronom le, lo en espagnol, qui fait référence à ce qu'on veut dire. Donc, par exemple, quiero decirlo, c'est je veux le dire. Je veux dire ça, quelque chose. Et maintenant, si on fait formuler la phrase je veux vous dire quelque chose, là, le pronom vous signifie à vous, dire à vous, a usted. Et ce vous se dit le, comme quand vous dites berle. Donc, je veux vous dire quelque chose, ça sera quiero decirle algo. Quiero decirle algo. Tout à fait. Et me dire? Decirme. Decirme. Et comment direz-vous? Que voulez-vous me dire? Que quiere decir? Decirme. Dites-le encore une fois. Que quiere decirme? Decirme. Que quiere decirme? Ouais. Et comment direz-vous, est-ce que vous pouvez me dire la traduction? Puede. Bien, mais répétez-le sans hacher le mot. Puede. Puede, en effet. Est-ce que vous pouvez me dire? Puede decirme. C'est ça, puede decirme, la traduction. La traduction. D'accord. Puede decirme la traducción. Et comment diriez-vous? Est-ce que vous voulez me dire quelque chose maintenant? Quiere. Quiere, oui. Me dire. Decirme. C'est ça. Quiere decirme quelque chose. Algo. Algo. Maintenant. Ahora. D'accord. Quiere decirme algo ahora? Est-ce que vous voulez me dire quelque chose maintenant? Et pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas me donner une explication? Pourquoi? Porque. Est-ce que vous ne pouvez pas? No puede. Por qué no puede? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas me donner? Darme. Darme, oui. Une explication. Una explicación. Oui, c'est ça. Por qué no puede darme una explicación? Je veux le savoir. Quiero saberlo. D'accord. Quiero saberlo. Essayez encore. Quiero saberlo. Quiero saberlo.